Book 2 100 100 100 الظروف Adverbe Adverbe حصل مرة لم يحصل قط Déjà, pas encore Déjà, pas encore هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Avez-vous déjà été à Berlin? Avez-vous déjà été à Berlin? لا, لم يحصل قط. Non, pas encore. Non, pas encore. أحد, لا أحد. Quelqu'un, personne. Quelqu'un, personne. أتعرف أحدا هنا؟ Connaissez-vous quelqu'un ici? Connaissez-vous quelqu'un ici? لا, لا أعرف أحدا هنا. Non, je ne connais personne ici. Non, je ne connais personne ici. مازال, لم يعد. Encore, ne plus. Encore, ne plus. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ Restez-vous encore longtemps ici؟ Restez-vous encore longtemps ici؟ لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. Non, je ne reste plus longtemps ici. Non, je ne reste plus longtemps ici. شيء آخر. لا شيء أكثر. Encore quelque chose, plus rien. Encore quelque chose, plus rien. أتريد أن تشرب شيئاً آخر؟ Voulez-vous encore boire quelque chose? Voulez-vous encore boire quelque chose? لا, لا أريد أي شيء آخر. Non, je ne désire plus rien. Non, je ne désire plus rien. شيء حصل لم يحصل Déjà quelque chose encore rien Déjà quelque chose encore rien هل حصل أن أكلت شيئا Avez-vous déjà mangé quelque chose Avez-vous déjà mangé quelque chose لا لم يحصل أن أكلت أي شيء Non Je n'ai encore rien mangé. Non, je n'ai encore rien mangé. مازال أحد؟ ليس من أحد. Encore quelqu'un, plus personne. Encore quelqu'un, plus personne. هل مازال أحد يريد قهوة؟ Est-ce que quelqu'un voudrait encore un café? Est-ce que quelqu'un voudrait encore un café? لا, ليس من أحد. Non, plus personne. Non, plus personne. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.